On va parler de midget régional avec notre ami Michael Godreau. Deux fiches de 500 en fin de semaine pour les ambassadeurs. Ça va quand même assez bien dans les circonstances. On parle avec l'instructeur Michael Godreau. Salut, Michael. Oui, salut, dame. Je me trompe pas en disant que ça va assez bien dans les circonstances. Deux fiches de 500 encore en fin de semaine. D'abord à la baie, dans le premier match, dans le deuxième match, c'est-à-dire victoire de 4 à 2. Oui, c'est ça. Ouais, premier match, là, on s'est fait surprendre un peu par une équipe de la baie qui était prête, affamée, ils voulaient gagner. T'sais, la baie, ils perdent pas le game par des hauts pointages. Hein. Ils sont en bas de peloton, mais le crime, quand on regarde les scores, là, c'est tout le temps très serré, encore peu de buts. Fait que les jeunes, je pense qu'ils ont été très surpris ce match-là. La baie ont rentré fort, fait que ça a fini 5-2, le deuxième match. Ben là, on a pu revenir sur Terre, on a pu se préparer, on a eu des bonnes discussions, bon meeting entre équipes, ça route, ça fait toujours du bien. Puis là, on a rentré fort le deuxième match, là, la baie. Ils ont resté fort, ils ont resté bons, ils nous ont tenus, mais j'avais une équipe en avant de moi là, prêt pour jouer contre cette équipe-là. Simon Letourneau a été le meilleur joueur de l'équipe avec deux buts. Notez également que Louis-David Gagnon a un but et l'autre filet, je ne l'ai pas, tiens. L'autre filet, ça appartient à Thomas Laplace. Et dans le premier match, ben, ça va être une défaite. Ouais, c'est ça, comme je te disais tantôt, là, on n'était pas prêt. Puis, mes trios, j'ai demandé à mes trios d'avoir plus de productivité offensive. On a travaillé ça beaucoup dans les pratiques. Je trouve qu'on est supposé avoir une équipe puissante. Puis là, ça tarde à sortir. La saison avance vite pour nous. Là, on est Ah oui. quasiment, ben, on a la moitié des matchs de jouer. Là, on est en novembre, la moitié des matchs de jouer. On Et s'est fait voilà. pitcher des matchs. En début de saison, c'est fou. On va avoir comme 4 games après les fêtes, là. Fait que on n'a pas le temps de se revirer, pas le temps de faire trop d'ajustements. Fait que c'est la réalité. Donc j'essaie de rentrer ça dans la tête aux jeunes, là, que il faut pas chômer, qu'on faut chaque pratique, chaque minute sur la glace est importante dans la situation qu'on est en ce moment. Frédéric Roy a marqué un but et l'autre filet appartient à qui, hein? Je me souviens bien, c'est Julien Paquette. OK. Donc, Julien Paquette dans la C'est ça, machine. Oui. c'est ça, c'est des joueurs différents qui marquent tout le temps, mais mes gros canons tardent à exploser. Ben, c'est négatif, mais en même temps, ça peut être positif aussi. Tu te dis, garde, ça va quand même assez bien. Puis, c'est des joueurs de soutien. Un peu comme le CH, là. On a vu des Torrey Mitchell, on a vu des Pacioretty qui se sont pas mis en marche. Des Harnais a bien fait. Mais les gros joueurs ne marchent pas, donc ça peut être positif aussi, là. Exactement, t'as entièrement raison que d'un côté, il y en a qu'on parle plus, qui on tente de savoir un peu là, pourquoi ils sont dans ce sorte de slump-là, mais d'un autre côté, quand tu vois qu'il y en a qui prennent la relève, ça peut être positif pour plus tard. Sept-Îles, deux matchs en fin de semaine et un autre à Baie-Comeau. Hey, c'est loin, un petit péché pour Chicoutimi. Tu sais, c'est déjà Ah loin ouais. pour ici, mais puis là, faut que tu rajoutes 2 heures et demie, là. Malade. Ah oui, ah, c'est une affaire de 10 heures là, à la Sept-Îles, de bus. Et que si on part le vendredi à midi pour que on joue game samedi soir, là, deux games, mais samedi après-midi, samedi soir, mais on part vendredi après-midi justement pour se donner une chance, là, pour pas faire le voyage plus deux games. Si on joue deux games en dedans de 5 heures, là, fait que c'est tout un exploit qu'on a réalisé là encore en fin de semaine, mais on va être prêt. On va être prêt. Donc, on s'en reparle, Michael, mercredi prochain. Oui, pas de problème. C'est la chronique des ambassadeurs de Chicoutimi avec notre ami Michael Godreau.